إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما هو التطير أو تيرا؟ C'est quoi, c'est tatayur, ça veut dire quoi? Ça vient du mot oiseau, tir. Comme on a vu dans les autres peuples, ils jetaient des oiseaux, ils les effrayaient, ils regardaient de quel côté ils partaient. Et à partir de ça, ils décidaient si c'était un pas, ils voyaient si c'était un bon signe ou un mauvais signe. Non. وعلى وجه السلاح هو التشاؤم سي لا موفيز اوغور تخادوز تشاؤم سا بو تخادوز ايغامون بار بيسيميسم تفاؤل سا بو ايت لوبتيميسم تشاؤم بيسيميسم مي بون سا بلو لونغ سا C'est quoi le hukm du tatayur? Soit akbar, soit asrar. Wa man wajada hadha fi nafsihi, kif yaf'al? Yadfa. Bil tawakkul. Il repousse le tawakkul. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم ما جاء في التنجيم à propos de l'astrologie ce qui est lié à la science des astres. وقال الشيخ التنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما أي عذر وحدث بما يعتقده في النجوم والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية إلى الحوادث الأرضية فينظرون في النجوم c'est le مصدر de نجم ينجم qui est le fait de se baser sur les astres, leur mouvement pour savoir ce qui peut se passer. Se baser sur le mouvement des astres. Et Zakarashir al-Othaymin anou al-Akhismain de deux sortes. Tanjim al-Ta'fir ou Tanjim al-Tasir. Il y a un Tanjim qui est là pour influer dans la croyance. Il y a un tanjim qui est là pour nous faire profiter dans certains intérêts mondains. Donc le ta'thir, celui qui influe dans notre croyance, celui-là même se divise en trois sortes. Il y a celui qui a pour croyance que ces mouvements des astres créent les choses. Ça, c'est du kufr akbar. Que le mouvement des astres et des nujum, des étoiles, takhluku al-hawadith, créer les événements. Ça c'est le premier. Thani, anna sababun biha yu'lamu ilm al-ghayb. Quelles sont les causes par lesquelles on peut connaître les choses de l'invisible? Yani, le mouvement des étoiles, al-zalika. Comme le font, mathalan, les kuhan. وثالثا انها سبب للخير او الشر que sont une cause de bien ou de mal ces astres ces mouvements sont une cause de bien ou de mal ces trois là sont du kufr le premier kufr akbar fi rububiyya c'est-à-dire que c'est le mouvement des astres qui crée les événements deuxième kazalik, qui a son cause pour connaître le ghaib. Et le ghaib, il n'y a que Allah qui le connaît. Et le troisième, ça peut être, ça dépend de la croyance. Quels sont les sabab de ghaib, de char? S'ils disent que c'est Allah qui a fait que ce mouvement de désastre nous informe d'un khayr, ça c'est du Cheikh Akbar. Et s'ils disent que en elle-même, hein? C'est quoi? C'est une cause, c'est astral. C'est une cause, mais après il dit que la cause, c'est Allah qui fait. Ça c'est astral. Et si Ahmed dit que c'est une cause en soi qui te démontre le bien ou le mal, ça c'est Akbar. Non. Le premier s'appelle Ta'fir. Wasani Taïsir. Facilité. Premier c'est celui qui influe. Deuxième, celui qui facilite. Et celui qui facilite, Taïsir, le Khurasa, c'est que pour apprendre, mathalen, pour la météo, ou pour se guider, connaître les saisons, ça c'est permis, ça. Taïsir, Jaiz. Amma Ta'thir, Haram. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف بما أو تكلف ما لا علم له انتهى كلامه. Que Al-Bukhari a rapporté de Qatada, qui est un des tabi'in et qui est un imam dans le tafsir, qu'il a dit que Allah a créé ses étoiles pour trois choses: pour embellir les cieux, pour lapider les shayatines, ceux qui volent, et en faire des signes pour se guider dans les cieux, des signes dans les cieux pour se guider lors des voyages. Et celui qui interprète autre que cela s'est certes trompé. Et c'est imposé une chose que là, dont il n'a pas de science. En dehors de cela, on ne sait pas. Allah a créé les nujoum, nous a informé de ces trois causes-là, comme vont le venir l'adillah. Le shir, après, cita les adillah par rapport à cela, justement. Minha, qu'Allahu azza wa jal, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, wa ja'alnaha rujuman shayatin. Surat al-Mulk. Qu'il a dit, nous avons certes embelli les cieux de la dunya avec des lanternes, c'est-à-dire les étoiles. Une chose qui éclaire, c'est les étoiles. Musbah, c'est une chose qui éclaire. Et nous en avons fait également une lapidation pour les shayatines. Donc ça confirme le kalam de Qatada. Wa qulu Allah azza wa jal wa alamat. Et des signes par les étoiles ou par l'étoile, ils sont guidés. Donc en dehors de cela, la présence des étoiles dans le ciel, nous n'avons aucun autre savoir quant à leur présence. La maslaha dans leur présence, on connaît ces trois choses-là. Rien de plus. C'est pour ça qu'il dit celui qui cherche autre chose, takallafa ma la ilma lahu bi, qui s'est imposé une chose ou s'est lancé dans une chose dont il n'a pas de science. Donc les alamat pour se guider, ça rentre dans quoi? Un tassir. Wa ba'd qala al mu'allif wa kariha qatadatu ta'allum manazil al-qamar ولم يلخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. Donc Qatada a détesté le fait d'apprendre les phases lunaires et que Sofiane ibn Uyayna ne l'a pas autorisé également, comme cela fut rapporté de Harb, et que Ahmed et Ishaq, eux, l'ont autorisé. le chir, c'est par la suite que lequel call. Et on sait qu'on a dit quoi? El karaha, chez les anciens, c'était quoi? Tahrim. Quand les anciens disaient akarah dhalika, là-bas, ce qu'il veut dire, c'était interdit pour eux. Et là, Cheikh Ibn Baz, il dit que le kalam de Qatada et de Sofiane, marjouh. C'est le qol de Ahmed et de Ishaq. C'est eux qui ont raison. Ce sont les permis. Pour ilm et tassir, ilm et tassir, yajouz. Ilm et tassir, yajouz. وعن أبي موسى قال المؤلف وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان وابن حبان في صحيحه والحديث حكم عليه بأنه حسن غيره. Lakin le muhakkik ne dit pas que c'est Cheikh Al-Albani qui dit ça. Inna maqala Hassan Ghaylihi. Donc selon Abu Moussa, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, trois ne rentreront pas au paradis. On va dire, l'ivrogne, l'alcoolique, celui qui est dépendant de l'alcool, celui qui coupe les liens de parenté, et celui qui croit au sihr. Donc là, il y a différents ta'wils par rapport au fait qu'ils n'entreront pas au Jannah. Car le fait de boire de l'alcool, c'est pas du kufr. Donc soit, yu'ni bidhalika man istahallahu, celui qui l'a rendu halal. Donc lui, il l'a rendu halal du haram, donc c'est un kafir. Ou alors, ma'na la yadkhulu al-Jannah dukhulan waliyan. Tu n'entreras pas directement au Jannah, mais passera par un châtiment. Et pareil pour Qatir al-Rahim, celui qui coupe les liens de parenté. Car Cheikh Ibn Hizam, il dit qu'il y a des salafs, ils disent le hadith, on n'interprète pas, on laisse comme il est. Et naturellement, on est obligé d'interpréter, car il s'oppose à d'autres adillah, faisant croire que le fait de boire de l'alcool rend mécréant. Donc couper les liens de parenté rend mécréant. Le ta'wil est obligé d'être fait. Et ils ont expliqué également que ces salafs n'ont pas voulu qu'on interprète le hadith, non pas qu'il ne soit pas interprétable, quand même, mais pour ne pas y aller, pour garder ce côté effrayant, pour que les gens s'éloignent de ce genre d'acte. C'est tout. Bab al-Zajar, pour la réprimande. Avec le hadith de Mouad, c'est dire. Ah, Nanalbab. Et Moussaddikoum Bissihr, Al, Iza Saddaka Annahu Hakkun, ou Annahu Yurayir Ashia, ou Annahu Sahibahu, Alal Hak, ou Annahu Musibun, ou Annahu Sahibahu Ya'alam Al-Ghib, Fa'adakun Kufron, ou Sahibahu Kafir. Celui qui croit que cela est véridique, que le sorcier change vraiment les choses de lui-même, qu'il est sur la vérité, et qu'il a raison, et qu'il connaît l'invisible, alors ça c'est du kufr, direct. Par contre, il dit أما إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثير ولكن يعلم أنه حرام ومنكر فهذا لا حرج فيه لأن الله أخبر به لأن الله أخبر أنه موجود كما قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Par contre, si jamais il croit en sa présence, en existence, mais qu'il n'a pas d'influence, et que c'est haram, et que c'est blâmable, ce qu'il fait, c'est mauvais. Alors pas de mal sur lui, car Allah a informé qu'il était présent, le sihr. Comme un collègue, dans le sens où il dit, et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur apporte rien. Mais cette partie du hadith, ça me cause problème par rapport au reste. Car celui qui croit au sihr, quand il est dit bi sihr, là c'est pas comme le fait de boire de l'alcool ou couper les liens de parenté. Croire au sihr, c'est du kufr. Moi, ça m'a posé problème ça, par rapport à ça. Et dans ce que je dis, comme Shuluhat, ils n'ont pas fait le lien. Donc, ou une chose m'a échappé, ou alors il y a un ishkel. Ça veut dire que tu crois que. Tu crois au sihr. Si tu crois c'est mon jeu. Bah, tu rentres pas dans la menace. Pourquoi tu rentres dans la menace du hadith? C'était juste la croyance qui est... Pas besoin de citer dans le hadith. Adi. Ça, c'est du shirk. Bah, c'est ce qui apparaît, tu vois. Maintenant, dans les shurouhats que j'ai lus, ils n'ont pas fait le... Ils ont pas... Donc, soit j'ai une chose que je n'ai pas compris moi, qui m'a échappé, ou alors, il y a un ishkel. Allah ou Ta'ala, je ne peux pas t'en dire plus par rapport à ça. Alors, c'est comme tu as dit, l'istahil, ça veut dire que tous les autres iront faire du shirk. Même si tu sais que c'est haram de faire du sihr et que tu en fais, tu as fait du kufr. Ce n'est pas conditionné que tu saches que c'est halal ou c'est haram. Tu as fait du kufr à la base. Comme des gens qui, par exemple, qui font des choses, c'est du kufr, ils savent que c'est du kufr, mais ils le font quand même. Ouais. Sans ikrah. C'est du kufr. Ils ne sont pas excusés. Mais pour les autres. Ah oui, mais pourquoi ces deux-là ont été liés avec celui-là? Celui-là, c'est du kufr wadih. Pas interprétable. Et deux autres, les deux autres, tu vois, à la base, ce n'est pas du kufr. C'est ça mon problème moi, dans le hadith, en fait. Je te dis Allah alam, je ne peux pas t'en dire plus par rapport à ça. Taïb, on a posé le masail, on a posé le bab al-aziyali. Inch'Allah. Qal, fi masail, l'oula, al-hikmatu fi khalq al-nujum. La sagesse dans la création des étoiles. Al-thaniya arad ala man za'ama ghayr dhalika. La réponse à ceux qui prétendraient autre que cela dans la création. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. Il a cité la divergence qui est dans le fait d'apprendre les phases lunaires. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. La menace qui sur quelqu'un qui croirait quelque chose de la sorcellerie, même s'il sait que c'est faux, mais il y croit. Et ça c'est clair, celui qui croit, même si c'est faux, le fait qu'il y croit. Ou alors, peut-être que ce serait comme l'avait dit Cheikh Ibn Hizam, c'est-à-dire qu'il le croit en cet acte en soi qu'il a fait, mais pas de façon générale dans la sorcellerie. Comme il l'a dit pour le Kahin, qu'il le croit sur un khabar en soi et pas sur le fait qu'il connaît le ghaib. Ça, c'est le kufr Asra. Peut-être c'est ça qu'il veut dire par là. Allah alam. J'ai pas eu de tawdih par rapport à ça. Donc là, c'était le bab qu'on a appris, qui est Maja'a fi Atanjim. Dans les. L'astrologie. Car des gens se servent de l'astrologie pour prétendre connaître l'avenir. Comme tu le sais, donc ça c'est une bête, un bête qui mène au shirk. C'est pour cela que l'auteur l'a cité ici. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. À propos de la demande de pluie par le biais des astres. Donc c'est ça l'istisqa. La souqiya, c'est demander la pluie. Et à la base, c'est une chose qui est mashrou'. Istisqa mashrou'. L'istisqa, il y a une khutba qui se fait également. Mais l'istisqa, il se fait en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que eux, ils ont accordé le fait que la pluie descende par les astres. Donc maintenant, ça peut être Akbar ou Asra. Akbar, s'il dit que c'est la toile en elle-même qui fait descendre la pluie. Wa hadha shirkun fi ar-rububiyya. Et Asrar, s'il dit que c'est Allah qui a fait que cette planète en soi fait descendre la pluie. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa qala Allah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Alors ça, c'est Allah, il dit. C'est-à-dire, vous avez attribué votre risque à autre que Allah, donc vous avez démenti. C'est-à-dire que ces gens-là se sont mis à faire istisqa en demandant au Nujum. Et l'istisqa, ça rentre dans quoi? Dua. Dua. L'ibada ou mas'ala? Dua, mas'ala. Ah, les deux. Enfin, les deux, ça rentre. Donc le fait pour autre qu'Allah, c'est quoi le hukm? Comme on a dit. Pour autre qu'Allah mutlaqan. Ah ouais, il demande aux nujums de faire descendre comme le... Comme on a dit, avec le tafsir. Asrar ou Akbar? Là, là il demande au Nujum. Ah, là, c'est okay. Là, c'est Akbar. Là, c'est Akbar. Là, il fait Dua, les Rélillah. Maintenant, s'il croit seulement Fahemt, qu'il a pu être devenu sans qu'il ait demandé par le biais de cette étoile et un tafsil. Maintenant, s'il a fait Istisqa en invoquant les étoiles, là, c'est le Kufr Akbar. Sheikh Akbar. Non. Même si c'est pas salat, il lève ses mains ou il fait un Dua, il a invoqué autre qu'Allah. Non. Et on sait que les planètes, les astres, ni n'importe de bien ni de mal. Ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانصاب والاستسقاء بالنجوم والنياح والنياحه وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من كتران ودر من جرب رواه مسلم. Donc selon Abi Malik al-Ash'ari, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quatre choses dans ma communauté pour porter les choses de la jahiliya et qui ne délaisseront pas. Le fait de se vanter par le statut social, le rang social, la notoriété. Le fait de diffamer les origines. Le fait de demander la pluie par les étoiles. Wa-niyaha, c'est le fait de se lamenter lors d'une épreuve d'un décès en se déchirant les vêtements, en se giflant. En se frappant les joues. Le deuxième, c'est vanter ses origines. Mada. Vanter ses origines. Et tant fil ansab. Et il a dit que celui qui fait du niyaha, s'il ne fait pas tawbah, souvent c'est chez les femmes. La fréquence c'est chez les femmes. Si elle ne fait pas tawbah avant sa mort, le yawm al-qiyama, elle sera avec un vêtement de goudron et de galle. Hakaza. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Ce hadith te démontre que cela est parmi les grands péchés. Donc là, dans le hadith, les choses de la jahiliya que les gens faisaient avant l'islam, al-fakhr bil-ahsab, le fait de se vanter, c'est comme le fait, par exemple, de dire, moi je suis le fils d'un tel et un tel, je suis de tel pays, je suis de telle tribu, je suis de telle race, je te crois meilleur, alors qu'à la base, القمه يا في الاعمال في التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم le plus noble auprès d'Allah c'est le plus pieux. Donc ce n'est pas par rapport à ton père, par rapport à ta descendance et par rapport à ton pays, par rapport à tes biens que tu auras de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par rapport à tes actes. Et le temps dans les ansab, c'est le fait de critiquer quelqu'un justement pour son origine, d'où il vient, ou alors peut-être même pour son travail. Lui, c'est qu'un cordonnier. Lui, c'est qu'un forgeron. Lui, c'est un Éthiopien. Lui, c'est un Somalien. Lui, c'est un Kaza. Le fait de dénigrer les gens pour leurs origines ou pour leur travail ou réel zalika. Stiska bin Nujum. Comme le fait de demander justement au Nujum de faire tomber la pluie. Wanyaha, on a expliqué, c'est les gens qui s'arrachent les vêtements lors des épreuves d'un décès d'un proche et qui se frappent. Waqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un badia fil hadith, laysa minna man latama al-khudud wa shakka al-juyub wa da'a bida'awa al-jahiliya. Muttafaqun alayhi. Qu'il a dit, ne fait pas partie de nous ceux qui se frappent les joues et qui s'arrachent les joues. À la base, jayb, c'est la partie supérieure du vêtement, en haut là. Qui s'arrache le vêtement et qui appelle d'un appel de la jahiliya. Donc Donc là, le shahid, l'istisqa bin nujum. Cela fait partie des actes de la jahiliya. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد قال صلى او صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثر السماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بالنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب حديث مستيح qui le dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم à Hudaybiya a fait salat du subh après une nuit pluvieuse. Après il s'est retourné vers les gens, quand il a fini il leur a dit: savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Ils ont dit: Allah et son messager sont plus savants. Il a dit: parmi eux, certains sont devenus, ou alors ce matin, par rapport à la pluie de la nuit passée, sont devenus croyants en moi ou mécréants. Ceux qui ont dit: il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde, ceux-là croient en moi et sont mécréants envers les planètes, Kaukab. Les astres. Quant à celui qui a dit la pluie est venue par le biais de l'astre, un tel, telle planète, et kaza, celui-là mécroit en moi et il croit aux planètes. Donc ça c'est une chose qui démontre le hukm. Il a dit kafirun bi, il ne croit pas en moi, ou un mu'min bi kaukab. Le hadith fi zahiri côté un kafir en faisant cela. Dans le sens que lui, pour lui, c'est l'astre en lui-même qui a créé la pluie, qui l'a fait descendre au Bakaza. Au Mutasarruf fil Koun. Donc ça, c'est du kouf, des chèques dans Ar-Rububiyya. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa lahumma min hadith ibn Abbas bima'anahu wa fihi qala ba'duhum laqad sadaqa naw kaza wa kaza fa anzalallahu hadhihi al-ayat fa la yuqsimu bima waqi' an-nujum ila qawlihi وتجلون رزقكم انكم تكذبون et pareillement mutafaqun alayhi selon Ibn Abbas dans le même hadith que certains ont dit que telle planète a dit vrai, donc Allah fait descendre des versets dans le sens où il dit: et je jure par l'emplacement des étoiles et à sa parole, où il dit le verset qu'on a dit au début, que vous êtes ingrats envers le risque, c'est-à-dire vous l'attribuez à autre que lui et que vous démentez. Et là, le risque, il veut dire quoi par là? La pluie qui vient du ciel, qui vient des cieux. Donc là, le shahid du bab, c'est que le fait de demander la pluie par les astres ou de croire que ce sont eux qui les font descendre, ça c'est du shirk. Après, il y a un tafsir, voilà, dit si jamais il pense que c'est Allah qu'on a fait une cause, là c'est du shirk asghar. La cause du masail. قال الاولى تفسير ايه الواقعه. Explication du verset dans al-waqi'a. الثانيه ذكر الاربعه التي من امر الجاهليه. C'était quatre choses qui font partie de la jahiliya. Al-Thalitha, Zikru al-Kufru fi ba'diha. Que certaines d'entre elles sont du kufr. Comme la dernière. Le fait, l'avant-dernière. L'istisqa bin nujum. Cela est du kufr. Arabi'a, anna min al-kufri ma la yukhriju an al-millah. Que parmi le kufr, c'est des choses qui ne font pas sortir de la communauté. Du kufr qui est asghar. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. Sa parole nous dit que ce matin certains sont devenus parmi mes serviteurs croyants en moi et kafir, du fait que Allah fait descendre un bienfait qui est la pluie. سادسة التفتن للإيمان في هذا الموضع. Il a dit que cela est une chose qui est liée à la foi par la suite, dans ce sujet-là. Et il a dit mu'min bi ou kafir. Et kazalik, il a dit après le contraire, at-tafattun il-kufri fi hadha al-mawdi'. Également la mécréance. Comme il a dit mu'minun bi wa kafir. الثامنه التفتن لقوله لقد صدق نو كذا وكذا la réflexion dans le fait qu'il certains ont dit que telle planète a dit vrai. Quand on dit a dit vrai, c'est-à-dire a agi de façon véridique, que la pluie est venue par sa cause. التاسعه اخراج العالم للمتعلم المساله بالاستفهام عنها لقوله اتدرون ماذا قال ربكم. Que l'enseignant peut apprendre une mas'ala à l'étudiant par le biais de questions, d'interrogations. Comme il a dit, savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur ? Wa'adha kathir fi sunna. Al-ashira wa'id al-na'iha. La menace planant sur al-na'iha. Na'iha, celle qui se frappe, se déchire un vêtement lors d'une épreuve. Donc là, c'est le bab qu'on a pris en dernier, qui est Maja'a, fil istisqa bil anwa. Et on a pris deux babs aujourd'hui, fi et tanjim, fil istisqa bil anwa. Inch'Allah. Là, hada al-jumu'a. Sept. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.